Qu'est-ce qu'on fait à manger à midi pour Jacques et Mathilde? Un barbecue? Oui, bonne idée. Il fait beau aujourd'hui. Tu vas faire les courses? Oui. Quelle heure il est? Il est 9h05. C'est bon. Le supermarché ouvre à 9h. Tu t'occupes des enfants? Cette semaine, c'est le cours de dessin. Oui, ils ont un cours de dessin à 10h30. À quelle heure vous rentrez? À 9h10. Très bien. À tout à l'heure.